طيب بسم الله الرحمن الرحيم. On est toujours dans la deuxième unité, dans le, la cinquième leçon. Ad-dars al-khamis. Sas'aluka fil kalima. Ma ma'na qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu. Qaddama al-jawaz. Présenter. Présenter quelque chose. Fahassa yafhassu. Contrôler. Hafilatun. Car. Habata. Car. Busna. Habata. Atterrir. Rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Monter, embarquer. Nam. Kadima yakudumu. Arriver. نزل ينزل descendre وجه يوجه diriger نعم diriger quelqu'un vers quelque chose تمام الان الاسئله طيب من اين قادم محمود d'où est venu محمود قادمه تركيا ها قادمه تركيا لماذا قادمه c'est quoi le hook t'as mis Il est arrivé. Qadima. Tu peux avouer. Qadima min Turquie. Qadima min Turquie. Il est arrivé de Turquie. Thanyen. Maza qaddama Mahmoudun il est mouazzafil jawazat. Qu'est-ce que Mahmoud a présenté à l'employé des passeports Qaddama lahu jawazahu. Voilà, regarde, t'as fait un truc. Toi, t'as mis un harf jar qui n'est pas dans la question. Qu'on est pris au début du livre, regarde, il dit quoi ? Maza qaddama Mahmoudun ila muwazzaf. Donc, toi, tu reprends le même truc. Qaddama ilayhi kaza kaza kaza. Tu prends le même usloub, la même tournure que la question et tu la places dans la réponse. C'est comme ça. Tu restes sur le même usloub, la même formule, la même tournure que la phrase. On l'a pris avant. Non, طيب. ثالثا إلى أين وجه موظف الجوازات محمودا؟ Vers où Afwan, avant de redis la réponse de la deuxième question. قدم إليه. نعم. جواز وبقطع و Bitaqa. Est-ce que c'est un mafoulbihi ou plutôt c'est un tu verras après inchallah. En tout cas il a une fatha, c'est un martouf tu vois, mais c'est une règle tu vois, c'est pas dans le livre. Ce qui vient après un waouh, ça prend le l'i'rab de ce qui est avant le waouh. Et avant le waouh t'as un mafoulbihi. Donc là, tu vas dire Bita Kota. Ça viendra plus tard, Inch'Allah. Toi, j'ai juste mis une fatha. Taïb, Nouïd al-Thalith. Il a aina wadjah mouazafu jawazati Mahmoudan. Vers où le mouazaf était dirigé Mahmoud? Wadjah Mahmoudan. Là, faut que tu mettes ton dominant, justement. Faut pas répéter Mahmoud. Wajjahahu. Wajjahahu. Aïe, il est. C'est comme en français, tu ne répètes pas. Non, quand, si quelqu'un te dit vers où a-t-il dirigé Mahmoud, tu veux dire il l'a dirigé vers, pas dire il a dirigé Mahmoud. Tout ça, c'est tout, ils t'ont enseigné au début. Pour ne pas faire de répétition, tu prends le damir. Et le damir, on comprend que ça vient à celui de qui tu parles. C'est clair. Tu vois. C'est s'habituer. Ça, c'est ça le tarbir, c'est savoir comment s'exprimer, faire des phrases correctes, qui ne soient pas répétitives ou des choses comme ça. Mais après, je comprends pas trop. Après, tu vois, là, par exemple, j'ai essayé. Après, en fait, c'était Ilayhi, tu vois. Vas-y, dis-moi ce que tu as écrit. Non, mais j'ai marqué ça. Moi, j'ai marqué Wajaha Mahmoudan, Ila Salat al-Jamalik. Ah là, c'est tout. Sauf qu'à la place de Mahmoud, tu mets Damir. Salam alaikum. Ou Alexandre. À la place de Mahmoud, tu mets Damir. Sinon, la phrase, elle est bonne. وجهه الى صلاه الجمالك او صلاه الجمالك بتقولنا. طيب رابعا ماذا طلب موظف الجمالك من محمود؟ Qu'est-ce que l'employé des douanes a désiré de Mahmoud? Unzur, le harfujar qui est. C'est quoi qui sont comme harfujar? Talaba minhu. Voilà. Talaba minhu. Yaftah al-hakibat. An yaftah. An yaftah al-hakibat. Al-hakibat. Tayyib. Pourquoi elle? Ah. An? Parce qu'il y a une liaison entre deux verbes. Entre talaba et fataha. Talaba minhu, an. Minhu, il a entre deux. Ah, mais minhu, il n'a pas rien à voir avec le verbe. La liaison entre deux verbes, c'est que an que tu l'as fait. Entre talaba et yaftah, il y a minhu. Ah, ouais. Mais minhu, il n'a rien à voir avec le verbe. Ce qui fait la liaison entre deux verbes, c'est an. Ah, non. C'est pas minhu. C'est-à-dire dès qu'il y a deux verbes dans une phrase, il y a un. En général, il y a un. On peut s'en passer des fois, mais sinon, en général, il y a un. Quand tu dis je veux cela, tu veux faire une liaison entre deux verbes, tu mets un en arabe. Taïeb. Maza fi hakibat Mahmoudin. Andak. Fiha bardou malabis. Bardou malabis. سادسا إلى أين اتجه محمود بعد أن فحص موظف الجمالك الحقيبة؟ Vers où se dirige Mahmoud après que l'employé des douanes ait vérifié la valise, contrôlé la valise? إلى أين؟ Regarde bien le harf jar qu'ils ont mis. Tu le remplis. Tu prends le même verbe, le même harf jar, et tu mets le lieu. Vers où se dirige? كيف تقول؟ Là, laisse ça. Laisse le bard. Là, tu viens juste avec le verbe, le hafoujar, et le lieu. C'est tout. Là, c'est quoi le verbe dans la question? Il a aina ittajaha mahmoudun ba'dan fahasa muwazaf al-jamalik al-haqiba. C'est quoi le verbe qu'on peut dire là? Donc, on veut de toi que tu reprends ce verbe-là pour Mahmoud. Après, on te demande vers où? Donc tu vas prendre le harf jar, il a le même qui est dans la question. Maintenant tu mets le lieu, c'est tout. Et t'as la réponse. Ittajaha il a. Ittajaha il a biwabatil khuruj. C'est tout. Ittajaha il a biwabatil khuruj. Et t'as répondu à la question. T'es pas obligé de remettre tout ce qu'ils ont mis dans la question. C'est en français qu'il me dit essentiel. Non, en français, on ne le fait pas. Si je te dis, par exemple, là, on va traduire la question. Vers où Mahmoud s'est dirigé après que l'employé ait vérifié, l'employé des douanes ait vérifié la valise? Tu vas dire, après que l'employé va faire la valise, tu vas pas dire en français. Non, en français. Tu vas dire, il s'est pas, il est parti vers le portail. Hein? Il y a toujours qui... toutes les questions des professeurs en français. Bissama fa'alou. À la base, justement, il ne faut pas que tu fasses de répétition. طيب ثانيا أجيب عن أسئلتي الآتية هذه الكيستيون كيف سافرت من بلدك إلى هنا كومون تو فواياجي دون بيي جوسكيسي عندك نعم ثانيا ماذا حملت في حقيبتك كاتي ترونسبورتي دون تا فاليز حملت في حقيبتي. En fait, tu veux dire Hamil Toufiha. Pour ne pas répéter Hakiba, tu mets un domir qui vient à la place de Hakiba. Hamil Toufiha, Fumma. Nam. Bard el Malabis. Kouta. Hein? Bard el Malabis. Malabis. Thalifan. Man qabalaka fil matar. Qui t'a reçu à l'aéroport? Qabaltu shurti. La. La. Ma wassouel. Man. Man. Qabalak. Ah oui. Marquille man qabaltak. Nta. Man kabalaka, enta, qui t'a reçu toi? Donc comment est ta réponse? Qabala, qabalani shurti, wa talaba minni jawaz al-safar, wa ba'da, qabaltu muwazzaf jamalik. Et donc tu dis qabalani shurti, tu mets les fois d'air. ثم الباقي طيب رابعا ماذا يعمل موظف الجوازات qu'est-ce que fait l'employé des passeports يبحث الجوازات يبحث يفحص طيب خامسا ماذا يعمل موظف الجمارك est-ce que je peux répondre à l'autre question aussi Ah ouais, non, ça. C'est bon. C'est un truc. Hamala, Maza Yamalu, Mouazafu Jamalik, Hamala Aqaibi, Wada'a Afi, Alati, Lati, Tara, Mafia. Jena, toi. Ah, non, un truc qui. Le Riorix, là. Ouais, voilà. La phrase, hein, elle est sahih. طيب. الآن ننتقل إلى الدرس السادس. La sixième leçon, toujours dans la deuxième unité. Qui se nomme بعنوان مع سائق السيارة الأجراء. Donc, مع معروف avec سائق, c'est chauffeur, conducteur. C'est isme fa'il de saqa tayyib yasuqu saqa yasuqu qui veut dire conduire donc d'un coup yasuqu sayyara il conduit la voiture et sa'iq c'est l'isme fa'il sayyara ma'ruf voiture c'est saqa yasuqu ayyo kam zara yazuru Donc, Seyyara, à la base, tout seul, c'est quoi c'est une voiture. El Ujra, à la base, c'est une paye, un salaire, une chose qu'on te donne. Donc, littéralement parlant, on dirait une voiture à salaire. Mais comme on dit chez nous, taxi, tout simplement. Donc, avec le chauffeur du taxi. Voilà le titre de la leçon. Mais qu'aujourd'hui, même ici, on dit taxi. Maintenant. Dans la rue, on dit taxi, on dit taxi, pareil. On peut pas dire Seyyara, Ujra, ou peu. Et on peut l'employer. طيب, الكلمات الجديدة. Nouveau vocabulaire. موقف. La موقف, ça serait le parking. C'est un lieu de stationnement, en fait, la موقف. C'est un lieu de stationnement. Ça peut avoir d'autres sens, là c'est le sens voulu. سيارة الأجرة on a dit c'était quoi taxi إرادة الجامعة إرادة إدارة إدارة طيب إدارة c'est la direction et جامعة c'est université donc c'est la direction de l'université كلف يكلف on a dit تكليفا Ça veut dire coûter le prix. Quelle la là, ça a d'autres sens. Là, ce qui veut dire dans le texte, c'est coûter. Par exemple, tu dis, Kam, you can live hada, combien ça coûte cette chose et pas demander un prix. Kam, you can live hada, combien cela coûte Kam, you can live hada, c'est-à-dire combien ça coûte ça tu vois un tuffah, une pomme, tu dis, Kam, you can live tuffah, combien coûte la pomme Mais là, il va te répondre. Sara yasiru, qui veut dire plein de sens, avancer. Et là, il veut dire rouler, je pense. Il roule. Sara, c'est faire un parcours, avancer. Ça peut être marcher. Et rouler aussi quand c'est une voiture. T'as cool. T'as siru, c'est yara, c'est la voiture roule. Et sir, c'est le fir'am. Et là, je me pensais que ça veut dire vas-y, roule. Sir, mais nous, c'est le conduit, nous, ça veut dire courir. Ça dépend de comment le phrase. C'est un sens de, d'avancer. Après, en fonction de, du mot que tu l'emploies, il va changer. Vous voyez ? C'est un sens d'avancer à la base. Comme Macha, Yamshi. Jamia, ben on le remet, comme numéro, c'est université. Il dira ça, la dira ça, c'est les études. L'étude. طيب التراكيب النحوية الصرفية هو اللي prendre dans le texte directement التعبيرات des expressions يقول في رعاية الله à la base رعاية c'est le fait de surveiller quelque chose protéger quelque chose par exemple un راعي c'est un berger donc là c'est sous la protection d'Allah comme on pourrait dire parce que Allah il te voit qu'il te préserve qu'il te protège. Les aïas, c'est protéger. Ouais, ça rentre là-dedans. Ça peut être un, frère, un père avec son fils, un grand frère avec un petit frère, toujours une chose, qui est une autre chose, qui la préserve, qui la garde. Les aïas, c'est ça à la base. Tu l'emploies pour le père avec le fils, le grand frère avec le petit frère, le professeur avec l'élève, ou le berger avec les troupeaux, ainsi de suite. On pourrait traduire par sous la protection d'Allah ou dans la garde aussi, mais pas la garde comme la garde, non. Tu vois, c'est pas le hirasa, c'est pas la garde. Asif, ça veut dire désolé. Ana asif, je suis désolé. طيب ستقرؤون النص إن شاء الله من يريد محمودا ومن يريد السائق من السائق طيب أنت محمود بشرى ما شاء الله يسلم ما شاء الله الآن يسلم ما شاء الله مرة ثانية ما شاء الله تفضل محمود أنا نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أين موقف سيارة الإجارة؟ هو الباركين للتاكسي أنا سائق سيارة الإجارة أي مكان تريد؟ Donc il dit je suis chauffeur de taxi. Quel lieu veux-tu? Où veux-tu te rendre? On dit hein, mais là c'est quel lieu veux-tu? أريد أن أذهب إلى. Avant tu peux entendre? Arrête, au club. Putain. Aïe. Aïe, arrête. أريد أن أذهب إلى السكن جميعي. جميعي. Je veux me rendre au dortoir de l'université. Là, le jamiri, quand tu mets un ya comme ça à la fin d'un mot, c'est pour une appartenance. Vous voyez ? À la base, le mot c'est jamia. En fait, on va dire sur, dans le dortoir universitaire. Vous voyez, le i là, il a une connotation de, connotation d'appartenance. Donc on dirait, je veux me rendre au dortoir, par exemple, vous voyez, ou la résidence universitaire. On dirait plutôt comme ça. Mais c'est jamia à tout. À la base, c'est même jamia. C'est-à-dire c'est Jamirati. Non, justement, on enlève le ta. Ah, le ta, il tombe. Tu verras ça dans le kitab 3, Inch'Allah, c'est expliqué. Désolé, je ne connais pas. Et est-ce que tu connais le lieu de la direction de l'université? Non. Combien coûte? Donc là, les par quoi on va traduire par un vol? C'est une voiture. La course. Vous voyez? Combien va coûter la course vers là-bas? Et là, Hunak? 20 riyal. Ce qu'il a dit, c'est correct. En fait, j'ai un verbe enlevé, c'est un mufrad bihi, un verbe enlevé. Et un takdir. Hey, l'ihra tukallifu 20 riyalan. C'est un mufrad bihi, mais le verbe il n'a pas répété. Vous voyez ? À la base, c'est. L'ihra tukallifu 20 riyalan. Écoute, 20 riyals. Mais il ne te le répète pas, il te dit 20 riyalan mubashara, directement. Donc là, il est vraiment moussoub pour de vrai. Tiens, tu ne trouves pas d'erreur de Nahou dans ce livre, Inch'Allah. Peut-être des erreurs d'imprimerie, mais sinon, ils sont là pour t'enseigner à bien parler. Tu crois qu'ils vont arriver, ils vont parler comme les gens dans la rue. Aïcharin. Aïe. Mais nous, on avait dit que c'était Aïcharin. Quand il est Marfour. Mais là, il n'est pas Marfour, il est Mansoub. Ah ouais. T'as vu ? Donc il prend un Ya. Donc il dit 20 riyal. Très Inch'Allah. Hassanan. Très bien, roule sur la protection d'Allah. Avance ou va ou on y va, tu vois. La chose qu'il veut dire, il roule. Il y a des orages, non. Ah, non. Très bien. Yaqul, awalan istami' wa raddid. Yaqul. أي مطعم تريد. Donc là on a mis une fatha sur le أي. أي ça veut dire quoi à la base? Quel. Naam. Et derrière lui, ça vient mudaf ilayhi. C'est pour ça que مطعم il a une kasra. À la base, le vrai truc c'est تريد أي مطعم. C'est pour ça qu'une fatha c'est un mafoul bihi. Et là ils l'ont mis devant le verbe. مقدم. Mais à la base, ils sont arrivés après le verbe. Choisi en fait. Non, ça c'est plus littéraire, c'est comme ça que quand c'est une question, quand c'est une question, le ism istifham, le nom de l'interrogatif, il est toujours en début de phrase. Naam. Donc quel restaurant veux-tu? Thaniyan ay ta'amin tatanawal. Quel repas prends-tu? Thalithan ay fakihatin tufaddilu. Quel fruit préfères-tu? Faddala yufaddilu, c'est préféré. Et faddala yufaddilu, ça veut dire préféré. Ou faddil kada, je préfère telle chose. Ayye asirin tashrabu. Quel jus bois-tu? Asir, c'est du jus. Ayye darsin takra'u. Quel cours lis-tu? Sadisan, ay darsin taktubu. Quel cours écris-tu? Sabi'an, ay kitabin turidu. Quel livre veux-tu? Tayyib, thaniyan, yaqul, ajib, kama fil namouzaj. Réponds comme dans l'exemple. Il dit, ay ta'amin turidu. Entre parenthèses, il met ta'amin ta'koul. Donc tu devrais dire quoi? Ay ta'amin ta'koul. Quelle nourriture manges-tu? Quel aliment manges-tu? Donc là, vous faites pareil avec les autres phrases. Par exemple, la première phrase dit kitabin tufaddilu. Qu'est-ce que tu vas dire? Ay. Ay kitabin tufaddilu. Taïeb. Le jumla, ça, on le fait ensemble, tu vois, c'est facile, c'est rapide. Thaniya, andak. عسيرين تشرب أيوة أي عسير تشرب نعم ثالثا أي بلد تزور à quel pays visites-tu رابعا أي تعشيرة تستخرج تستخرج نعم quel visa fais-tu sortir أي مسافر تقابل. Quel voyageur rencontres-tu ou accueilles-tu? Salisan? Ay musafirin tuqabilun. Quel? Tuqabilun. C'est le même? Hein? C'est le même? Pourquoi il l'a remis? Oui. Ensuite, Salisan, Ajib, Kama fil namouzaj. Réponds comme non, en exemple. Il dit, Sir fi li'ayatillah. Donc roule, voyez, avec la protection d'Allah. Donc là, il veut vous prendre un verbe à l'impératif et ensuite avec le dora qu'ils ont dit. Par exemple, il dit Safir, entre parenthèses, qui veut dire quoi? Voyage. Voyage. Là, c'est le amr, l'impératif. Donc, Safir fi li'ayatillah. Donc, voyage avec la protection d'Allah. Al-Awel? Idhab fi li'ayatillah. Non, Idhab de Zahaba yadhabu. Tawajjah fi ri'ayatillah. Non, donc dirige-toi avec la protection d'Allah. Non, donc embarque ou monte avec la protection d'Allah. Ghadir fi ri'ayatillah. Ra'a ri'aya. Ghadir, ça veut dire quoi déjà? Quitter. Non. Là, on veut dire partir, quoi. Ghadir. Ghadara yughadiru, non. Quitter, partir. De laisser une chose. Khamis. Irhal. Fi riayatillah. En fait, ce qu'il voulait dire, partir. Ici, pendant les manifestations qu'il y avait au Yémen, ils n'ont pas dit ça. Irhal, irhal. Le président, genre, dégage, dégage. Irhal, par. Ils disaient ça. Ah, ouais. C'était leur, devenu leur slogan. Irhal, irhal. On dit, ou démissionne, ou attends, on part, quoi, en fait, tu vois. Du moins, ceux qui. On parle des contestataires, hein, on parle pas de. Irhal, irhal. C'est bon, tu peux partir. On veut un nouveau président. Ça, bien sûr, c'était dans les Mouzahrad, dans les manifestations. Et les manifs, c'est pas permis en Islam. C'est à 10. Is'ad fi ri'ayatillah. Non, je veux dire mon tour. Ihbid fi ri'ayatillah. Non. Descends. Là dans l'avion, c'est atterri et toi, c'est descend. Taïb Rabian, istamir wa raddid. Écoute et répète. Maintenant, il va vous apprendre justement à dire kallafa yukallifu. Pour employer. Awalen, kam tukallifu rihla. Donc combien coûte la course? Tukallifu. Parce que le sujet c'est rihla, c'est au féminin. Hiya tukallifu. Thanien, kam tukallifu et tafkira. Combien coûte le billet? Thalithan, kam yukallifu al-ghada. Combien coûte le déjeuner? Kam tukallifu al-qahwa. Combien coûte le café? Khamisan, kam yukallifu al-kitab. Combien coûte le livre? On peut dire week-end. Non, tu peux dire week-end. Laisse t'en parler justement, t'apprendre à employer plusieurs formules différentes pour un même sens. Khamisan, adib, kama fil namouzaj. Donc il dit, on répond comme dans l'exemple. Hel ta'alifu al-saken. Connais-tu le dortoir? Il dit, ah, sifun, la a'alifu. Désolé, je ne le connais pas. Donc là, il ne dit pas, ah, sifun, la a'alifu al-saken. Il ne répète pas saken. Il emploie un domir. Donc il dit quoi? Jumal oula? Tradam indak. Connais-tu l'aéroport? Est-ce que tu connais la salle de départ, on va dire? Est-ce que tu connais le lieu de réservation? Rabian. Est-ce que tu connais la bibliothèque? La bibliothèque de. La bibliothèque à la base, c'est Maktaba. Le bureau de confirmation. Non, on dira l'agence. L'agence de confirmation. De réservation. Non, de confirmation, non. Pour la réservation. Pour la réservation. Non. Donc de confirmation. Asifun, la'arifu. Non. Hal ta'arifu ma'okif al-hafila? Connais-tu la station de bus? Parce que ma'okif, Des fois aussi, station ça peut être Mahatta. Tu vois, on peut reposer aussi pour Mahatta, mais là, c'est le, les deux ils sont synonymes. Donc, Moki, c'est le lieu où il y a les bus et parking. Asifun ma'arifu. Non. Sadisan Sadis. Sadis. Sixième mot. هل تعرف بوابة الخروج بوابة الخروج بوابة هل تعرف بوابة الخروج نعم est-ce que tu connais le est-ce que tu sais où sont les portails de sortie أسيف لا أعرفها نعم أحسنت سابعاً هل تعرف إدارة الجامعة؟ آسف ما لا أعرفها. طيب. On va continuer. Là c'est court là. Il y a du temps. Donc on va prendre la deuxième partie de lecture. Ikra. Ça veut dire quoi Ikra? Oui. Non. الكلمات الجديدة. أولا الناظر استقبل يستقبل. Et le masdar c'est istiqbal avec un med istiqbalan qui veut dire recevoir, accueillir. Istiqbalan, istiqbalan. Non, avec un alif. Ensuite il dit ahadun. Attends, je peux dire quoi par Ahad maintenant. Je regarde. C'est recevoir. Nam. Comme Tassalama. Là, c'est pas Mustakba. Ouais, il peut avoir. Sauf que Mustakba, ça peut être une personne. J'ai reçu quelqu'un. Ah. Alors que Tassalama, c'est pas j'ai reçu quelqu'un. C'est pas les mêmes. Recevoir. Alors, attends, où est-ce qu'il est Ahad dans le texte? Parce que Ahad, c'est quelqu'un. C'est une personne. Et c'est aussi Ahad, Yom al-Ahad, c'est le dimanche. Et là, je vois pas. Taïeb. En fait, c'est personne, ils veulent dire. Quelqu'un, quoi. Istakbalan, c'est quoi? C'est la réception, réceptionner? Non. C'est quoi? C'est l'accueil. L'accueil. C'est le nom? C'est le masdar. Istakbalan, c'est le masdar. Parce que, justement, moi, je suis. Là, Ham, elle mortilaf, ben, le masdar, ou. Ou l'ism fa'il. Parce que l'ism fa'il, c'est l'action. C'est celui qui fait l'action, l'ism fa'il. Mm-hmm. Elle dit l'ism fa'il, c'est celui qui commet l'action. Ça veut dire, par exemple, quand on dit. Par exemple, non. Kharaja. Kharaja, c'est quoi l'ism fa'il? Kharaja. Kharijun. C'est ça? Kharijun. Kharijun. Celui qui sort. Mm. Ou l'extérieur aussi. Mm. C'est quoi le masdar? Masdar c'est khuruj. Qui veut dire sorti. Ah, oui. Il y a une différence entre les deux. Non. Non. C'est ça. Ça y est, kelimat al-jadida toujours. Donc shakara yashkuru. Ça veut dire quoi shakara yashkuru? Merci. Oh, merci. Et le masdar c'est shukran. طيب من يقرأ هذا النص اليوم كيف يكتب التكست؟ كي قال لي هذا الأخوة التكست؟ شوف c'était lui qui avait donné la fois. Aujourd'hui c'est toi. Inch'Allah. Là tu crois que c'est moi qui. T'es sûr? Ouais, non, je me souviens c'est lui qui avait. T'as dit t'fadal. Inch'Allah, je suis après peut-être je me trompe. C'est pas grave, de toute façon c'est une lecture. وصل محمود إلى المطار. Donc محمود est parti. Et allez, est parti. Salam est parti. Non. وصل, c'est de quoi وصل? Arrivé, arrivé. نعم. محمود est arrivé à l'aéroport. نعم. أراد محمود أن يذهب إلى السكن الجامعي. ترجم هذا أولا. Traduis ça. أراد

إلى أين أراد محمود الوصول؟ طيب، vers où Mahmoud a-t-il voulu aller, se rendre, arriver? Wusul, c'est le mazdar de quoi? Wasala. Thaniyan, هل عرف السائق السكن الجماعي؟ Est-ce que le chauffeur connaît la résidence universitaire? Thalithan, إلى أين أخذ السائق محمودا؟ طيب، vers où le chauffeur a-t-il pris Mahmoud? Akhaza, c'est-à-dire prendre. Akhaza ya'khuzu. Ils n'ont pas mis dans le nouveau vocabulaire au début. Des fois, ils balancent des verbes comme ça et ils ne préviennent pas avant. Mais celui qui veut lire tout seul, ça va être un peu dur pour lui. Kam dafa'a Mahmoudun lissa'iq. Combien est-ce que Mahmoud a payé le chauffeur? هل شكر محمود السائق؟ Est-ce que Mahmoud a remercié le chauffeur? هذه الأسئلة الأولى، c'est les premières questions. ثانيا، أجيب عن الأسئلة الآتية. Réponds question suivante. بماذا تصل من المطار إلى السكنك؟ Par quoi, voyez, parviens-tu de l'aéroport à ton lieu de résidence? Avec quoi, en fait? Avec quoi? Par quoi? Ouais, pareil, non. Et te rends-tu ou parviens-tu ou arrives-tu? Thaniyan, kam tukallifu al-ihrah min al-matari ila al-sakan? Vous a coûté cher, vous. Qu'il fisse avec l'Allah, khayr, inshallah. Thalithan, maza taf'alu idha qadimta ila al-matar wa lam yastakbilka ahadun? Comment fais-tu si tu arrives à l'aéroport et que personne ne te reçoit? Quand tu mets ahad dans une négation, ça veut dire personne. Ma ra'aytu ahadan, je n'ai vu personne. Ma ja'ani ahad, personne ne m'est venu. Mais le contraire, c'est quelqu'un. Vous voyez? Quand c'est une négation, c'est personne dans le sens personne n'est venu. De l'autre sens, c'est quelqu'un ou une personne. Ja'ani ahad, quelqu'un m'est venu. Ma fi ahad. Ma fi ahad, il n'y a personne. Hein? C'est ma fihi ahad ou ma fihi ahad? Ma fihi ahad. J'ai mal à comprendre un truc. C'est quand on disait Aina ou Aqadim, on dirait par d'où arrive-t-il. Mais si on dit maintenant il a Aina, Ana, Mouradira. Vers où se rend-il? C'est-à-dire pour quel lieu il part? Ah, il a quitté, d'accord. Vers quel lieu il a quitté pour partir? Et si on dit min aina huwa muradir, ça aurait le même sens que huwa khadim. Non. Où il est arrivé? Radir, c'est quoi radir? Radara. C'est. Là dans le texte, ça veut dire partir. Tu vas faire tout seul, ça. Il a raté. Ma foumala? Non. Taïeb, il a huna. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.